FrenchPod.com. Quelle est l'adresse ? 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais c'est l'adresse de l'Élysée, ça ! Et alors ? Madame Sarkozy aussi aime la pizza ?